2003 gars, indice, c'est pas du raga. Demande-toi juste pourquoi. Pourquoi toi, pourquoi moi, pourquoi lui, pourquoi nous. Pourquoi passer ma vie à parler de mon vécu. Pourquoi m'arrêter là et parler aussi de faux cul. Pourquoi j'ai décidé de faire du rap, pas du rock. Pourquoi dans mes lyrics, même si je te fuck. Pourquoi mon nom de rappeur, c'est pas Franck. Pourquoi dans le rap, j'ai pas baissé mon froc. Pourquoi jamais tu viens, pour qu'on s'affronte. Pourquoi jamais tu sors, pour que je te montre. Pourquoi ma vie, une putain de file d'attente. Pourquoi c'est pas ma bite que les bitches attendent. Pourquoi c'est que le fric que les bitches attendent. Pourquoi quand je rappe, autour de moi y'attendent. Juste un MC comme les autres, MC j'avoue. Juste un MC comme les autres qui s'adressent à vous. La vie est courte, alors faut que tu savoures. Certains savent quand, certains savent comment, et certains savouent. Sur ce thème, y'a pas Singapour. Faire des rimes qui t'emmènent à Singapour. Jouer dans ce monde, la vie pas de Sega court. Vers ta destinée, ton futur déjà dessiné. Cherche pas le succès comme Titanic dans tous ces ciné. Arrête d'halluciner, cut la sans improvisation. Va t'assassiner, alors va t'asseoir avant de t'assassiner. Moi je vais te dire ce qui te vénère. En or, les nerfs, fleur de peau, première position. Je fuck la manière, Charles Matanière. Tant qu'avec toi même tu restes sévère, tu persévères. Même si t'espères souvent manger des verres au fond du cimetière. Simulant le repos, les nerfs, fleur de peau. Ouais, je t'envoie pas le fleur, je t'envoie le pot. Avec mes potes, potes, potins, nids de patins. Petite peste, t'es pas rendu crétin. Rêver ou oublier, sont-ils liés? Yeah. Liés au WFT, à toi de le trouver, à toi d'y penser. Pendant que tu veux penser tes plaies, moi mon projet, le progrès, je prends vers d'autres plaies, je plaisante pas. C'est dans l'excès que je cherche accès à mon respect. Ce qui m'aiderait, m'intéresse, ce qui nous inspire, la crainte de l'inconnu, de nous connaître de plus en plus. Faut puiser pour apprendre à quoi s'exposer. S'attendre à ce qu'un bombe va exploser. Exploser, exploser. Ça s'explose, y'a trop de métamorphoses dans ce monde. Quand je vois cette putain de justice, encore la même police, encore les mêmes complices, encore le même vice, encore on analyse, encore on paralyse avec nos rimes. Ici je déprime, encore je m'exprime, encore avec de belles rimes, encore je fais des efforts, et c'est comme ça ici y'a pas tort. Je me regarde dans ce putain de miroir, je garde le même espoir, encore c'est gravé, à jamais dans ma tête, obligé de ne pas vivre cette putain de réalité. Encore je tombe, encore je frappe, comme une bombe, métamorphose de moment, je laisse le micro, appello. Encore avec la même mélodie, ça vient de Soural Tracy. Encore la même famille, spécial dédicace à mes gars. Ça passe par Funky, ou bien Buffa, ou bien mes gars. Encore, yeah. Encore on fait des efforts, putain yeah. Ha, yo, inspiration sur la micro-prestation. Dédicace à ceux qui passent à l'action. Toujours prêt à recevoir une sanction après chaque faute commise. Pour permettre l'analyse de tout, qu'est-ce qui nous fige, qu'est-ce qui nous fige. L'apparence exige, le mépris des pensées profondes. Le soleil projette son ombre, la mentalité s'effondre. Cachant en chacun la puissance du tonnerre qui gronde. Yo, yo, on tombe, on songe, on plonge dans l'argent facile. On grossit notre bille, grossisse de notre ville. Certains sont rendus débiles, je vois la vie qui défile. On est indécis face à la vie comme une lueur qui luit dans l'obscurité. C'est pas terminé dans la vie autour de nous. Ça passe du blunt shot de marijuana au gunshot. Je réplique avec ma clique, je me frotte au hip hop de masse. Sauf si tu perds la face, pas mon problème. C'est toi tes problèmes. Fréquentation abusive d'after hours, de reggae power. Sauf si tu cites pour porter fruit, je crée le défi. MBC avec ma tactique de pro illicite. Pro incite, moi pas trop à prendre les devants. Je vous sorte lyricalement, je pousse miricalement, bien calmement. Je laisse passer le passé. Maintenant, je laisse place au destin. Continue, continue sur le beat, ya. Sur le beat, ya. Cherche pas, y'a pas de barrage qui puisse nous barrer. L'accès à l'Elysée, à bas les traites sans hésiter, ne râle pas. Je roule toujours avec les mêmes gars. Babi à Paris jusqu'ici, dehors toujours les mêmes écrits. Quand je rappe, chic, tu ris pas. La vie c'est pas un pari, juste une étape de plus à la recherche du succès. Vu que c'est ce que c'est, négro, c'est vrai que tu sexes plus quand t'es en Lexus et que tu vexes les gars en train d'attendre le bus qui veulent finir leur vie au bout d'un lacet. Négro, je suis lassé de voir ce qui est en train de se passer dehors de ce que je pense et que ça passe pour viseur télévisé, n'y pense pas. Une fois de plus, je suis trop calé sur ce beat, des rimes trop encadrées, digne d'un padré. Tu vois ce que je veux dire, négro, je suis paré, multiplié au carré, comme ces rumeurs qu'on raconte sur moi. J'ai pas besoin de les apprêter.